Pas Léon Archimbaud, tout simplement parce que, je vais le préciser dans quelques instants, il est suffisamment représentatif de la réalité d'un radicalisme qu'on découvre surtout en province, on le sait depuis Jean Touchard et Serge Gerstein, pour être une excellente porte d'entrée sur ce monde des banquets et des cafés, et ici surtout des banquets. Alors Archimbaud, décédé accidentellement en 1944, dans un état sans doute largement éthylique, il a été élu à 5 reprises, un bref mandat en 1907, puis 4 mandats enchaînés, de 1919 à 1940. Voilà, député de la 4e circonscription de la Drôme, que j'ai ici en hachure, qui correspond de fait à l'arrondissement de Die du département, une circonscription rurale qui agglomère des cantons de montagne, le canton de la Chapelle-en-Vercors, le canton de Châtillon-d'Iois, au sud-est de Die, et des cantons de plaine créés saillants dans la vallée de la Drôme, avec comme chef-lieu la ville de Die, 3175 habitants en 1936. Il cumule ce mandat de député avec celui de conseiller général et président du conseil général de 1929 à 1938. C'est aussi un parlementaire actif, auteur de plusieurs livres, dont les titres indiquent bien le type de mouvance dans laquelle il s'inscrivait. La plus grande France, l'heure des Jacobins, l'avenir du radicalisme. La plus grande France s'explique par le fait qu'il est fondateur et éditeur de la Revue du Pacifique, une revue qui paraît de 1922 à 1937, dans laquelle il explique que le centre du monde futur sera dans le Pacifique et qu'il faut s'y intéresser. Donc on parle de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, de la Malaisie, de l'Indochine, de façon d'ailleurs assez intéressante. C'est un membre de la loge L'Humanité de la Drôme, brièvement sous-secrétaire d'État aux colonies en février 1930 dans le gouvernement Chautemps et vice-président un temps du Parti radical. Signe de sa relative importance, il a fait l'objet de plusieurs portraits contrastés. Raymond Abelliot, qui était à l'époque pivertiste dans la Drôme, explique qu'il n'a jamais connu de démagogue plus conscient de l'être, terminant par des formules qui relevaient du génie, « Vive la République républicaine », une formule qu'il trouve dans sa redondance absolument géniale. Et d'autre part, Léon Daudet, qui, rappelant que la gastronomie l'avait rapproché de plusieurs collègues de gauche, évoquait un lettré et un gourmand avec lequel il partageait des recettes de truites et des façons de la cuisiner. Alors, ce monde qu'on va retrouver ici, c'est le monde qui, au croisement des deux objets de ce colloque, les 500 000 cafés et bistrots de la France de 1930, qui sont plutôt des lieux de permanence et de réunion électorale, et de l'autre, les banquets. Et là, je reprendrai la typologie qu'avait esquissée Emmanuel Furex dans l'histoire des gauches, qu'avaient dirigé Jean-Jacques Becker et Gilles Cordard il y a déjà quelques années, où Furex distinguait les banquets de souveraineté aux dates anniversaires de la République, donc 14 juillet, mais aussi 11 novembre, l'anniversaire des lois laïques en 1931, d'autre part les banquets de combat, héritiers d'une longue tradition militante, et j'y ajouterai une troisième catégorie, les banquets notabilières, comices agricoles, inauguration d'équipements publics, écoles, routes, etc. La source que j'exploiterai, en dehors de quelques dossiers des archives départementales de la Drôme, est une presse locale, le journal de Die, hebdomadaire fondé en 1857, toujours existant aujourd'hui, et bien entendu, seuls les banquets auxquels Archimbaud a participé, seront retenus. Donc, en trois points, je parlerai successivement des lieux de banquetage, du public qui s'y retrouve, et enfin de l'ordonnancement de ces banquets, et bien sûr de ce qu'on y consomme et de ce qu'on y dit. Alors, les lieux de banquetage, c'est essentiellement des hôtels-restaurants, dont beaucoup existent toujours aujourd'hui en 2025, même s'ils n'ont malheureusement pas laissé d'archives, pour avoir écrit pratiquement à tous. Aucun n'a gardé d'archives de cette époque, mais qui figuraient tous dans l'édition 1939 du Guide Bleu Dauphiné, Hôtel Saint-Domingue, Hôtel des Alpes à Die, Grand Hôtel Rochat à Cré, Grand Hôtel de France à Châtillon, etc. Tous ces hôtels ont des salles suffisamment vastes pour organiser des banquets de plusieurs dizaines de convives, sans couverts au repas d'un congrès de chasseurs en 1931 à l'Hôtel Granon, 170 couverts au banquet des médaillés militaires à Cré, ce qui suppose évidemment un personnel et des cuisines capables de cuisiner pour une telle masse. Deuxième lieu de banquetage, les préaux d'école pour des assistantes plus nombreuses. Et là, on va par exemple avoir 1200 couverts pour le banquet des anciens combattants à Cré en 1932, 370 couverts sous le préau de l'école de filles en l'honneur de Maurice Faure. Mais évidemment, chaque fois, les repas sont préparés, servis et les salles aménagées par les restaurateurs des établissements précités. Donc, quand vous regardez bien, il y a un emboîtage. Le grand congrès Maurice Faure, enfin, l'honneur de Maurice Faure, 370 convives, c'est l'hôtel Maton qui prépare la cuisine. Donc il y a évidemment, quand on regarde que l'école est souvent à quelques centaines de mètres de l'hôtel-restaurant, ça suppose dans la logistique un personnel suffisamment nombreux pour acheminer les plats et les boissons d'un lieu à l'autre. Troisième lieu, des salles prêtées par des entreprises, et ce qui nous rappelle là la sociologie particulière du Parti radical et les liens qu'il entretient avec un petit patronat industriel, petit patronat qui se hausse même au niveau de la moyenne entreprise. Ainsi, la soirée Naef à Saillant met à disposition la salle des fêtes de l'usine. Or, c'est une usine qui a 400 employés en 1906. Elle fermera en 1968 avec encore 106 employés. Donc, on peut estimer qu'elle a quelques centaines d'employés dans les années 1920-1930. Siri Odeillé à la chapelle en Vercors, où l'immense bâtiment a été aménagé en salle de spectacle pour le 51 de l'école laïque. Et là aussi, donc, on voit que ce type de prêt de salle était inenvisageable pour la SFIO, pour ne même pas parler du Parti communiste. Donc c'est quand même une sociologie et des liens très particuliers. Enfin, pour les réunions électorales, des cafés, donc on en a déjà parlé, des cafés avec de vastes salles. Une commune comme Valdrome, qui a 393 habitants en 1931, a plusieurs cafés, et il y a un café qui permet d'accueillir au moins une centaine de personnes, puisqu'on nous dit que l'immense majorité des électeurs de la commune a participé à la réunion électorale. Bon, sachant qu'à la 393, que sommes les hommes âgés de plus de 21 ans en vote, vous avez au minimum une centaine de personnes dans la salle de café. Voilà, ça c'est pour les lieux. Alors le public, il n'y a évidemment pas de banquet sans convives, et la composition du cercle des commensaux varie cependant en fonction de la nature du banquet. Quand c'est un banquet, notabiliaire, je dirais que la composition est ad hoc selon le thème et l'objet. Par exemple, pour un banquet de commissaires agricoles, on aura les notabilités de l'agriculture, conservateurs des eaux et forêts, vétérinaires, chambres d'agriculture, etc. Quand c'est un banquet pour l'ouverture d'une route, il y a les mêmes, plus les autorités, le sous-préfet, l'État, les ingénieurs des ponts et chaussées, etc. Donc on a une composition à géométrie variable. Si le banquet suit un congrès politique ou parapolitique, je pense à la Ligue des droits de l'homme, Association d'anciens combattants, l'assistance est là composée de délégués, parfois nombreux, mais qui ont payé à l'avance leur participation. Et les chiffres nous sont donnés, 20 francs pour le congrès de la Ligue des droits de l'homme en 1934, 25 francs pour celui de 1931, 25 francs pour les mutilés anciens combattants en 1938, 30 francs pour la Fédération industrielle en 1937, soit, si l'on convertit en euros, c'est des sommes qui sont relativement modiques. Là, vous êtes quand même dans des sommes qui sont entre 18 et 20 euros d'aujourd'hui, même si on rapporte un niveau de vie qu'on connaît, ce n'est pas des sommes qui sont exceptionnelles par rapport au coût de la vie à l'époque. Parfois, les souscriptions pour participer sont lancées des mois à l'avance. Ainsi, par exemple, le grand banquet démocratique de Valence en avril 1930, à l'initiative des trois parlementaires radicaux du département, Léon Archimbault, mais aussi les sénateurs Lisbonne et Perdry, on a une commission d'organisation qui est mise en place dès janvier, pour un banquet en avril, une commission d'organisation avec les délégués de la Fédération radicale, les jeunesses radicales, le comité Mascureau, bien sûr, le cercle démocratique de Valence. Les listes d'adhésion sont envoyées par le comité de préparation à tous les comités radicaux du département. Et comme on le dit, les militants républicains sont priés de faire la propagande nécessaire pour que chaque commune du département soit honorablement représentée au banquet. Et donc les souscriptions avec l'argent soit sont déposées au siège radical à Valence, soit envoyées par courrier. Exception en revanche, le banquet du Front Populaire du 14 juillet 1935. Là, le délai de préparation est beaucoup plus court, pas plus de 2 semaines, semble-t-il. Le prix est plus bas, entre 10 et 15 francs. Et contrairement aux usages, le déjeuner qui est servi, nous dit-on, à 12h30 précise à l'hôtel des Alpes de Die précède la manifestation de rue qui se déroulera à son issue. Alors qu'en général, le banquet suit la manifestation publique. Là, il va précéder la manifestation publique. Mais il est vrai que dans ce cas assez exceptionnel du banquet Front Populaire, l'appel s'adresse très largement aux citoyens, aux camarades et aux vieux républicains d'Iois. Et selon le compte-rendu, les 180 convives regroupés à côté des nombreux et sincères républicains de notre ville, les délégations des communes voisines, de nombreux fonctionnaires et des dames remerciées pour leur gracieuse présence. Ce qui me permet donc d'ouvrir un moment sur la participation féminine. Elle est d'autant plus explicitement signalée qu'elle est rare. Et elle est d'ailleurs un indicateur du type de banquet. La présence des femmes est signalée dans deux types de banquets, soit dans les banquets militants qui sont détachés d'une échéance électorale, comme dans le cas précédent, le banquet Front Populaire de juillet 1935, l'échéance électorale est beaucoup plus tard, soit dans des banquets notabiliaires déconnectés de la vie politique, comme dans les banquets des médaillés militaires ou de la Fédération industrielle et commerciale, où là on nous dit à trois reprises que l'élément féminin met sa note gracieuse, que une jarbe a été offerte par une gracieuse jeune fille à l'issue du banquet. Mais donc c'est vraiment dans des banquets qui sont déconnectés des enjeux partisans et politiques que la présence des femmes se retrouve. Mais je n'ai pas trouvé de présence signalée des femmes aux repas qui suivent les congrès de partis, le parti radical lui-même évidemment, ou d'associations parapolitiques comme la Ligue des droits de l'homme, pas plus d'ailleurs qu'au banquet de souveraineté du 11 novembre ou du 14 juillet. Et donc leur absence est d'ailleurs très intéressante, comme leur rare présence, c'est qu'elles se rappellent que ces cérémonies, pour reprendre une expression d'Olivier Hill, qui a écrit un article sur les banquets, ces banquets veulent incarner un idéal d'égalité dans la commensalité. Qu'est-ce qui se retrouve à ces banquets quand ils sont politiques? Des égaux, des élus et des électeurs, mais les élus sont choisis par les électeurs qui peuvent être à leur tour élus, tous ayant par ailleurs payé leur place. Et donc finalement, je dirais que la fraternité conviviale du banquet, elle rassemble les citoyens actifs de la commune et du canton, actifs au sens strict, hein, au sens premier du terme, encore que la capacité contributive exigée, entre 20 et 30 francs, les rapproche des critères de la Constitution de 1791. Et donc finalement, participer à un tel banquet, c'est s'inscrire dans une communauté d'égaux, mais comme dans la ferme des animaux, des égaux un peu plus égaux que d'autres, plus égaux en tout cas que les citoyens passifs, les simples électeurs, qui n'ont ni le temps, ni les capacités, ni la volonté de participer à de telles agapes. Et donc, participer à un tel banquet, c'est un signe de distinction. On paye sa place et on est à une table avec des élus, on peut être élu à son tour, on l'a d'ailleurs été précédemment, et c'est dans ce type d'égalité qu'on s'y retrouve. Et évidemment, les femmes n'étant pas électrices, elles n'ont pas leur place dans ces banquets, sauf quand ils sont déconnectés de la vie politique, comme les banquets de notabilité ou le banquet militant type Front Populaire en 1935. Alors, quel ordonnancement, à l'exception déjà signalée du banquet Front Populaire qui précède un défilé de rue, le banquet clôture une cérémonie, que ce soit une assemblée militante, congrès, une inauguration de monument, une assemblée. On a évidemment une table présidentielle dans tout banquet qui honore les autorités invitantes et les principales personnalités. Ainsi, banquet démocratique de Valence en avril 1930, en fait le banquet du parti radical du département, le maire de Valence, radical, Jules Algou, accueille à sa table les parlementaires radicaux de la Drôme, mais aussi ceux des départements voisins, l'Ardèche, l'Isère, le Vaucluse, le Rhône et le président Herriot, naturellement. Pour le congrès des syndicats d'élevage du Vercors, la table d'honneur, elle est différente, le préfet, les élus, les services vétérinaires du département, la chambre d'agriculture, les conservateurs des eaux et forêts. Alors ce repas est parfois moins long que la légende ne l'a fixé. On sait que pour Charles de Gaulle, un banquet radical était tout repas qui était passé 45 minutes. Bon là, on a des repas qui dépassent 45 minutes, mais ils ne durent pas des heures, comme on pourrait le croire. Parfois c'est 2 heures. Il y a quelque chose après, et on a parfois un timing qui est précisé dans les comptes rendus de presse. Donc ils respectent bien sûr l'ordre des mets tel qu'il a été fixé au 19e siècle par le service à la Russe, et on a donc quelques menus reproduits qui sont comparables tant par le nombre des plats que par leur origine. Alors j'en donne quelques-uns, parce qu'il y en a beaucoup qui sont cités. Pour l'ouverture d'une route en septembre 1931, l'hôtel du Vercors à Saint-Martin propose hors d'œuvre, c'est-à-dire jambon de pays, beurre de notre ferme, salade nationale, truite de la vernaison, civet de lièvre à la montagnarde, haricots verts au beurre, poulet renne au feu de faillard, salade estivale, gâteau diplomate, fruits de la saison, fromage de nos contrées. Voilà. Et quand vous avez, pratiquement c'est tout le temps comme ça, le grand banquet démocratique a dit, c'est pareil, j'en cite un deuxième, pour 20 francs, hors d'œuvre, c'est saucisson beurre, puis saumon mayonnaise, des farbes d'ivoise, petits pois fermières, volaille de Bresse, salade de saison, desserts variés, fruits, biscuits, vin à volonté, clairette de Die. Et donc, ce qui est intéressant dans ces menus, d'abord, c'est l'insistance systématique qui est mise dans la presse sur l'origine locale ou régionale des produits qui sont servis. Les truites sont de la Vernaison, une rivière du Vercors, ou d'Arquiane, une rivière du Diois. Le fromage est de nos contrées. La volaille de Bresse, c'est un département voisin, mais on n'est pas très loin. Et parfois même, on veut servir des spécialités régionales, les caillettes de craie, les cardons, la défarbe de Die, qui est un plat d'abats de mouton cuisiné au vin blanc. Et parfois même, le menu est signalé comme menu régionaliste. Ainsi, en l'honneur du sénateur Lisbonne, qui a été brièvement ministre de la Santé dans le gouvernement d'Albert Sarraut, on nous dit qu'on sert un menu régionaliste où voisineront les spécialités réputées du département, ainsi qu'un excellent vin du terroir et la clairette. Et la dimension régionaliste est même très clairement affichée au banquet en l'honneur d'un écrivain fait libre, Pierre Desvoluy, né à Châtillon-en-Diois, qui fut adjoint de Jean Médecin à Nice. Donc là, on est quand même à des frontières du radicalisme sur la droite, mais Archimbaud est tout de même là. Et donc le repas est conclu, Archimbaud chantant lui-même, au chant de la coupe au santo de Frédéric Mistral, car nous dit le compte-rendu, Châtillon n'est pas loin de la Provence, décidément, et nous sommes tous des Provençaux. Voilà. Avec, évidemment, là aussi, manifestations régionalistes dont les produits étaient... Et donc, quelque part, je dirais autant, ça peut éclairer tout ça le rapport du Parti radical aux entreprises, en même temps le rapport du radicalisme au régionalisme, de la part de quelqu'un qui cite, qui écrit un livre qui s'appelle « Les Nouveaux Jacobins », voilà, on a quand même, quelque part, ça indique toujours la complexité des sociétés et du milieu partisan du radicalisme qui joue la carte régionaliste, y compris la carte fait libre, comme ici à Châtillon, où ça se termine par voilà, la coupe au santo est reprise par tout le monde, Archimbaud la chante. Et voilà, et donc quelque part, la plasticité du radicalisme, qui est bien connue, est illustrée par cet ordonnancement. Alors, chaque banquet se termine, bien sûr, par une succession de toasts ou de discours plus longs. Et on est frappé par le nombre. Le Congrès fédéral de la Ligue des droits de l'homme, c'est 6 discours. Le banquet radical de Valence en 1931, 8 discours. Dont celui d'Herriot, chef incontesté de la démocratie française. Et alors, il y a deux choses qui sont frappantes. D'abord, c'est l'insistance qui est mise dans les comptes rendus sur la belle humeur des convives, alors que la clairette pétille dans les coupes qui met les convives de belle humeur, une belle humeur émoustillée par le blond liquide coulant à flot dans les coupes vermeilles, l'incessante gaieté des convives. Bon, vous avez des... Bon, on imagine qu'après des libations, le vin, la clairette, parfois le champagne, le pousse-café. Mais ce qui est très intéressant, c'est que en même temps qu'on a cet aspect festif, on a un caractère extrêmement sérieux et parfois très technique des discours. Par exemple, à l'issue d'un banquet servi pour l'inauguration d'une route touristique dans le Vercors, Archimbaud, c'est en 1931, il commente très longuement l'actualité internationale, le règlement de la crise des réparations avec l'Allemagne, le plan Young et son échec, les négociations avec les USA pour les dettes interalliées, et tout ça est développé avec des arguments très techniques, des taux de change, des prix, des montants en dollars, en livres sterling ou en marques. Donc on a, je dirais, un contraste entre une cérémonie festive et très alcoolisée, et en même temps des discours qui sont longs et parfois très techniques. En tout cas, même quand ce n'est pas technique, chaque fois Archimbaud, il décline quasiment, je dirais, tous les topoi du radicalisme. Alors, on regrette l'époque héroïque du 19e siècle où il n'y avait que deux partis, les rouges et les blancs. On célèbre le 11 novembre comme la victoire de l'idéal révolutionnaire français. Et on avertit, là on est en 1938, que les nouveaux Césars, donc Hitler et Mussolini, perdront la bataille contre les peuples comme leurs prédécesseurs, les empereurs et rois, ont perdu celle de 1914. Mais on approuve en même temps les accords de Munich car une démocratie doit préserver la vie de ses enfants, à l'inverse de la légèreté criminelle du Troisième Reich. En ce sens, je dirais, pour conclure sur cette partie sur l'ordonnancement, le banquet, c'est bien sûr un moment de partage entre égaux, mais ça permet aussi aux élus, en tout cas aux principaux d'entre eux, dont Archimbaud, entre autres, d'alimenter les présents en nourriture politique, de répondre à leurs interrogations du moment, tout en prodiguant une réassurance doctrinale. Et donc, je dirais quelque part, et j'y reviendrai dans la conclusion, le banquet radical, à mon sens, joue le rôle d'une école de formation dans un parti qui en est dépourvu. Le parti radical, c'est le cœur d'une nébuleuse beaucoup plus vaste, ça on le sait bien depuis les travaux de Serge Bernstein. Il est dépourvu d'outils de formation militante comme les socialistes de la SFIO, bien sûr les communistes, mais aussi le PSF et d'autres formations nationalistes se sont dotés. Et donc quelque part, le banquet, bien sûr c'est le moment de communion, mais les primi inter pares que sont les élus peuvent donner... En plus, une réponse aux questions du moment, une nourriture doctrinale. Donc, quand vous regardez tous les thèmes, défense de l'Empire, notre Indochine et terre française au même titre que le Dauphiné et la Provence, défense nationale qui modère un nécessaire pacifisme, défense de la ruralité et de la petite propriété, tout ça est décliné systématiquement et c'est ensuite concentré dans le vote d'un ordre du jour qui est toujours approuvé en fin de banquet, toujours à l'unanimité, et qui conclut le banquet sous les acclamations. Alors, pour essayer de résumer tout ça en trois points. Premier point, dirais-je, c'est évidemment d'abord ce qui frappe quand on dépouille la presse locale sur plus de 20 ans, c'est la fréquence de ce rite des banquets. Jusqu'en 1939, pour reprendre les termes d'Olivier Hill, c'est un lieu commun de la citoyenneté républicaine qui regroupe des milliers de convives dans des lieux bien identifiés pour un coût somme toute modique. Et ce qui me frappe pour ce premier point, c'est qu'après 1950, je laisse tomber la période 45-50, privation, carte de ravitaillement, à partir de 1950, le rythme ne reprend pas. En tout cas, pas à cette échelle, et pas pour un radicalisme qui, il est vrai, ceci expliquant cela, s'est considérablement affaibli à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Deuxième point, donc c'est évidemment un moment de commensalité entre égaux, d'où émergent les élus, et un moment de consommation de nourriture terrestre, avec une forte dimension régionale, voire régionaliste. Et là, on peut même creuser la dimension gastronomique. Par exemple, c'est un début d'avènement des fromages sur les tables, quand les fromages commencent à se doter d'une filière structurée de ravitaillement. Les fromages sont absents avant 1914, et on les voit apparaître systématiquement dans les années 30 sur les tables de ces banquets. Donc là aussi, il y a la composition, le fromage qui précède le dessert. C'est un rite qui se modifie au fil des années. Troisième point, c'est un moment, je l'ai déjà dit, de réassurance politique et doctrinale, dont ne pas sous-estimer l'importance dans une mouvance qui est totalement dépourvue de ces écoles de partis dont s'étaient dotés les partis socialistes, communistes, mais aussi nationalistes. Et donc la disparition, la presque disparition, mais ça serait à creuser pour la période d'après 1945, évidemment elle renvoie à l'affaissement du radicalisme. Le département de la Drôme était un fief radical depuis les débuts de la Troisième République. Il devient, après 1945, un fief socialiste, très clairement. Et même si celui qui va succéder à Archimbaud comme l'homme fort du Diois, Maurice Vérillon, qui va être député maire pendant plus de 30 ans, puis après sénateur maire, c'est quelqu'un qui se coulait tout à fait dans la postérité de son prédécesseur, quelque part, ça ne reprend pas. Donc, affaissement du radicalisme, exode rural, reconfiguration de la vie politique, il y a toute une série de facteurs qui font que le rite, on l'observe encore quelques temps, mais il se raréfie, c'est très clair, il ne scande pas la vie politique et sociale comme il pouvait le faire dans les années 1920 et 1930. Et donc de ce point de vue-là, Léon Archimbaud, que le préfet de la Drôme appelait l'empereur du Diois, il est tout à fait révélateur et tout à fait une bonne porte d'entrée pour entrer dans ce monde de banquets et de cafés, qui est le thème de notre colloque. Voilà, je vous remercie.